Non, mais. Mais juin appelle juillet, rapporte mars et dit en avril. Que douce don, que douce vœu, tout le monde cherche bien, merveille Mathieu. Non, non. Non, mais qu'on ne se cache pas la réalité. Merci, Madame Thibodeau. L'école privée, quel bon début dans la vie. Ça, c'est se donner des chances, ça, là, M. Gautran. Non, ça change rien. Comment ça, ça change rien? Ça change tout! La dysenterie, non, c'est... Mais je vais être mangé par une araignée. Oh! This is time! Hein? On peut pas se faire piquer, arracher, enlever. Mais je fais enlever par l'araignée. L'araignée. Hey, j'aime pas ça, ce micro-là. Là. Mmh. Je me suis dit, c'est peut-être meilleur que l'autre, là, mais est-ce qu'on doit arrêter en plein milieu, puis ouais, on y va? C'est un nouveau truc que je me suis commandé. On va s'arrêter quelques secondes. Chantez entre vous, s'il vous plaît. Ensemble, OK? Un, deux, trois. Si on chantait ensemble... Si on tente, il s'en avait pas rendu compte, c'est ça? On l'a chevauché, Gaétan, on l'a chevauché. Aïe donc, la prothèse, ça va vite, là. Ah, alors, comme je vous le disais, madame, c'est très important de bien débuter dans l'existence, se donner des chances de réussir, de devenir des premiers sinistres. Des curés. Et voilà, vous rêvez bien, si c'est vrai, on a la bonne sur la table. Ça m'a l'air de discuter, voilà, que maman, tout ça, on fait maman, serre-nous, maman. Ça, c'est quand on pige sur notre menu principal. Intérêt et principal. Et la fourmi est fouineuse. Oh, this is time, fouineuse, this is time, hein? Ouais. Pourquoi faire des gestes, c'est en radio? Mais je suis pas seulement en radio, moi, là. J'ai des caméras. Des Tiki Baudouin, Man Tremblay, Suzanne Blecker, Descarrères, Débacquères, Descacquères, Macquères. Mais comme Macquères, Macquères, avec ses dons souvent, c'est l'eau jeu de bière, j'ai maintenant 20 ans. Et c'est pour toi, ma cœur, que je te pète mes dents. Hein, c'est violent, c'est... Non, non, on ne veut pas être dans la violence, nous. Nous, nous prônons l'école privée puisque c'est un début réaliste et intéressant. L'ouverture vers la connaissance. Non, non, non, ça ne change rien. Non. Monsieur, des gens comme vous, on les place ensemble. Dans une maison gigantesque. Peut-être, comment t'appelles ça, toi? Pas un royaume. Ça ne mérite pas des royaumes, ces affaires-là. Ces individus. Excusez-moi, c'est pas, vous êtes pas. Non, non, vous n'êtes pas une affaire. Vous êtes une chose visqueuse. Puisqu'à force de ne pas se laver, il reste de la suie. Hein? Il reste de la sueur. Il reste de la puanteur. Il reste de la méconnaissance générale. Du mépris d'une société qui veut s'élever et devenir quelqu'un. Là. Vous voulez rester quoi, là? Un tout petit ensemble de ridicules discutant l'un de l'autre. Hey, c'est lui qui a fait ça. Non, c'est elle. Ah, Mando. Avez-vous vu Mme Tremblay? Ah, elle a changé sa perruque. Ben, voyons donc, elle n'a plus de cheveux. Ben, c'est ça. Hey, sa femme. C'est pas sa femme, c'est sa fille. Ah, elle ressemble à sa femme. Ben, elle est enceinte de 3 semaines. Elle va coucher demain. Ah, Mando, réveille-la pas, elle va dormir. Ben... Suzu, c'est qui Suzu? Ben, parce que sa fille reste avec une autre fille. Elle aime bien les filles, sa fille. Elle aime bien des filles, sa fille. Sa fille, là, on l'a retrouvée dans un ruisseau, flottant, avec ses flotteurs. Quand tu flottes, t'es heureuse, t'es heureuse. Elle était très heureuse avec 12 flotteuses à côté d'elle. Fring, fring, fring. Hey, là, le gars, il y avait un pervers pépère, pour ne pas dire un rénal débutant, qui filmait tout ça. Fring, oh, c'est beau. Il perd dans le nord, lui, là. Il a fait ça en 3 dimensions, HD-DVD. Il a collé ça à ses émissions. Il bouille. Pas être enceinte, elle-là, là. Comment ça? Ça veut rien dire. Hey, c'est vrai, aujourd'hui, avec la... On peut se transformer. On peut... Non, c'est pas... C'est quoi? C'est... C'est injecter des espèces... En tout cas, des choses bizarres, là. Pff, avec une petite queue de téflon, là. Non, c'est téflon. Une queue de téflon qui colle pas, là. Qui se ferait des chemins partout. Ouh! Partout. Il s'en va. Il y en a juste un, là. Il doit fabuler... Non. Il y a juste un but dans la vie. C'est de faire fabuler la fabuleuse égérie de son cœur. Là, les streamos, c'est fait. Oh, bonjour, très cher. Vous êtes en beauté ce soir? Ouais, c'est parce que là, il y a 75 millions de petits colons comme toi qui veulent essayer de m'enfiroiper, puis moi, je veux pas. Ah, ben voyons. C'est moi le plus brillant. Hey, je joue du piano. J'ai les yeux bleus. Mais en fait, bleu et vert, comme David Morley. Là. Ah, c'est le grand David Morley. Celui qui est « The in, the all, the in ». Non? Non, c'est un francophone. Oui. En fait, ouais, ben il a perdu un peu ça. Ouais, ben ça, c'est avec les années. Mais là, comme c'est un être intelligent et qu'il va dans une école privée, hein, parce qu'on sait que l'école privée... Non, ça change rien. Oh. Écoutez pas, Madame la Fabuleuse. Lui, là, c'était le petit spermato là, qui est dans le coin puis qui guette, là, qui attend, qui va peut-être prendre sa place quand tout le monde risque de mourir. Les autres, au moins, auront osé. Tandis que lui, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste, un faiseur de plaisanteries qui dit « À quoi bon? »« Hey, à quoi bon, c'est presque? Tout le monde va mourir avant. Moi, je fais là des bougeaux de pastis. Moi, quand je vais donner le truc, quand je vais rentrer dans le truc, là, on va ouvrir des bars un peu partout. Oh non, Lulu. On va avec Lulu. On va aller en Lulu. Oh, on va regarder Lulu. Ça va bien. On va créer un dialecte. Vers 3h15 du matin, là. On va marmonner. Nos femmes vont dire « Ah oui, viens à la maison. On va à la maison, à soir, arrête donc, toi. » Je ne veux pas arrêter. Encore plus vent, encore plus vite, puis en même temps, je m'en vais. Il y a un an déjà, je me disais, me v'là. Mais là, je m'en vas-tu loin, je m'en vas-tu me rendre au bout de mon chemin? Car le chemin que j'ai choisi sera peut-être plus long. Ma vie. Non, non, non, ça change rien. Monsieur le président, monsieur les patrons catholiques, hey, j'ai chaud dans le col, moi, là. Oh, Rémi, hey, tu parles d'un imbécile. Je me cloîtronne de cloîtronne, je me cloîtronne de cloîtré. Et ils m'ont dit, mon fils, allez-vous pêcher ce soir? Oui, oui, oui, oui, oui. Ah oh, oui, je vais pêcher. Combien de poissons? Oh, mais c'est pas bon, là, attendez, là. Je n'ai pas encore compté, j'ai 18 cannes à pêche. Oui, ensuite? Ben, en fait, j'ai rien, j'ai pas d'appât, moi, là, là. Mais je me suis dit, juste des cannes à pêche, pas brillant, des poissons, là. Hey, je vais tirer ma ligne, là. Mes lignes. Mais en tout cas, je vais les tirer une après l'autre. Nous venons après la pause. Pitou! Pitou! Mais t'as arrêté de tirer tes lignes? Ben oui, mais j'en ai plusieurs. Pitou! Oh, celle-là, là. Pitou! Ah, je l'aime, celle-là. Pitou! Ah, celle-là est plus simple. Pitou! Là, il n'y a rien de mieux que d'attraper un poisson sans avoir d'amorce. En fait, sans rien de pour les titiller, là. Viens, t'en mets. Petite, venez, petit. Je vais faire comme la mal léchée. Venez. C'est moi. Le poêlon est là. La friture. 350 au four. Oui, je rajouterai un petit peu de citron. Ah, du citron. Vous allez aimer ça, les petits poissons, les citrons. Trop citron. Allez. Le poisson, c'est fou. Le poisson, c'est nous. Sur l'eau, quand on va voter. Sur l'eau, surtout. Surtout quand on va voter. Faut être imbécile pour à chaque fois dire, hey, on s'en va voter pour quelque chose de mieux, là. Ça va mal sur la planète. Saturne est sur Scorpion. Le Scorpion va nous piller, on va mourir. Quand on meurt, ben, on risque de rester là longtemps. On peut pas. Non, ça change rien. Non, ça change rien. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous? Donc, j'ai vérifié, c'est pour ça que j'ai fait vous pour voir si mon volumètre allait taper dans le rouge. Et ça tapait dans le rouge, comme je l'imaginais. Parce que moi, là, attention, Madame Tremblay, moi, là, j'ai la cellule qui imagine des choses. Vous n'êtes pas capable, vous, hein? Il y en avait plusieurs, mais ils ne fonctionnent pas, hein? Moi, il y en a une, mais ça roule là-dedans. C'est comme dans la roulette de Lannister. Ben, c'est la bébite à quatre pattes avec du poil. Je sais qu'il y a beaucoup de bébites à quatre pattes avec du poil. Surtout à 3 heures du matin, il y en a plus, hein? Ils rentrent à deux pattes, ils finissent à quatre pattes. Ils ont du poil, là, au menton. Le temps passe, là, et la barbe commence à pousser. Sorry, Angel. Sorry, so. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Sorry, Angel. Sorry, so. C'est moi qui t'ai enlevé, couché les veines. Je suis couché les veines sur le babillard de l'existence. Sorry, Angel. Sorry, so. Ah, la vie est comme ça, mon amour. Comme ça, il y a jamais. Monsieur le Président. Monsieur le patron catholique, Mesdames les voluptés. Et vous, je... Monsieur est malade. Monsieur, madame, on va la... On peut-tu... l'urgence. Urgence penchée. Oui? Urgence penchée? Hey, mon Dieu, vous êtes penché vers le haut, quoi? OK. Urgence. Il y a quelqu'un ici avec nous, là. Oui. On a commencé à arrêter de crier de main. On vous a pas... Oui? Êtes-vous dans une position bizarre, là? Faites partie du Kamas Moumas. Ouais, l'agence extravagante. Oui. Kamas Moumas. Alors, comment vous se mange? Ça va bien, vous? Bon, OK. C'est parce que le monsieur, là, c'est parce que ça va bien, vous? OK. Lui, je crois qu'il est dans un délire profond, madame. Oui, est-ce que c'est normal? OK, on laisse tranquille. Ça va faire une bonne émission, ça. Madame? Madame? Il nous a quittés en ce beau mois de mars, fin mars, 29 mars 2013. Nous l'appelions. Sa dernière phrase était: Mais l'enregistrement. Sa dernière phrase était: On a perdu la bobine. Ben voyons donc, on avait la bobine. Puis là, tu l'as éloigné, qu'est-ce que t'as fait? T'as eu peur? Non, tu l'as fumé, toi. C'est ça l'idée d'arrêter pendant 3 semaines avec des cotons-tiges. Des cotons-tiges qui sont trempés dans la nicotine. Tu penses que tu vas cesser comme un salaze? Ignorance. Espèce de conze. Reste avec moi, ne bouge pas. Je suis las pour toi. Je te le dis. Jusqu'à 2 heures, tu es dans une bulle, peut-être un peu bizarre, mais une bulle qui te veut du bien. Donc, s'il te plaise, ne te déplaise, reste parmi nous. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Il y a le minou qui tremble. Ah non, il n'a pas fumé. Ah, il va le faire, le poil de minou. Monsieur le Président. On part. Monsieur le Président. Vas-y, Monsieur le Président. Oui, ah, vas-y, tout va bien. Monsieur le patron catholique et cathodique. Il y a un écran devant moi. Tout tombe. Elle est plus stone que toast, parce que quand je la toast, elle devient toute stone. Tu sais qu'elle devient toute stone, toi? Ah non, elle devient toute stone. Hey, ce nouveau micro, quand je suis pas dedans, pas toute stone. Je fais ce que je veux avec mes produits, moi. Putain, voyons. Ouais, mais ton public. Oh, excuse-moi, public. Alors, je vais l'essuyer. Il n'y en a plus. Il y en a plein, ça dégouline. Mais non, on va mettre... Rita, mets la chaudière. On récoltera la sève, on fera bouillir ça, puis on donnera ça à nos invités lors du Radioton. De l'élixir errant. On va vendre ça combien au Radioton? Moi, je placerais cela en haut, là, à 100 000 $. T'es-tu malade? Oui. Alors, on va peut-être baisser. C'est la première fois, là, pendant le Radioton, dans le babillard, que nous plaçons un prix au maximum, au zénith, pour le réduire ensuite. Ben voyons, ça va se vendre une selle, puis encore là. Hey, ça n'existe plus, les selles, ben c'est pour ça. De l'élixir errant. Combien de millilitres? Combien de millilitres, Ben écoutez, mon beau jeune homme. Hey, c'est moi, ça. Mon beau jeune homme, Madame Millilitres. Ça va très bien. Et oui, Émilie, ça va bien, oui. Alors, combien de millilitres? Oui, millilitres, combien de millilitres? Six millilitres. Pourquoi 6 millilitres? Ben parce qu'on n'a jamais vu des magasins 5 millilitres. C'est 6, 8, 9, pas de 5, pas de 10, de 12, oui, pas de 3, 4 non plus, 5, c'est 6, 8. C'est un peu bizarre, le 8, là. 12, c'est très harmonieux, c'est cohérent. Bon, ton émission n'est pas cohérente, alors 1 millilitre. OK, 1 millilitre. Alors, 1 millilitre de jus, s'il vous plaît, faites dégouliner. Oui. Personne ne va acheter ça, là, voyons. Ouais, pendant ma nuit, des rances canadiennes, le Radioton. Les gens vont s'arracher, le millilitre. Ils vont s'asperger comme l'eau bénite. Ils vont dire, hey, c'est de l'errance. Bienvenue à la douce réalité. À l'histoire finement improvisée avec moi-même. Le magicien du surréalisme. J'aime ça quand tu dis ça, parce que tu lèves de quelques centimètres. Ben oui, mais ça, les gens, ça le voient se passe. Hein? Les gens s'imaginent que je reste assis, là, puis qu'il n'y a pas d'élévation. Au contraire, combien de fois je m'éloigne du micro, on ne peut plus m'entendre à cause de cela. Je suis comme un ange. Eh, hey, monsieur, un ange? Non, après ça, je suis comme une vidange. OK. Je me mets sur le bord du chemin, j'attends qu'une voiture me ramène. Puis, elle me ramène pas. OK. La police s'arrête? Oui. Me demande. Monsieur. Monsieur, c'est peut-être une... Madame? C'est pas une madame, moi, ça. Monsieur? OK. Êtes-vous conscient? OK. Il est quelle heure, monsieur? Votre nom, monsieur? Monsieur, restez avec nous, monsieur. Restez des nôtres, monsieur. Oui, bon. On va l'embarquer. On va faire un petit tour de ville, monsieur. Oh oui, on va aller manger un petit... ouais, c'est ça. Hein? Ça, c'est du caviar, vous, hein? Du champagne aussi. Hein? Hey, vous ressemblez au monsieur qui fait une mission le vendredi, le jeudi à vendredi. Vendredi à 23h, en tout cas. En tout cas, vous ressemblez, monsieur, en tout cas. C'est bizarre, hein? C'est quand une similitude. On a pris ça au cégep, ce mot-là, à Jonquière. Là. Voyons donc, on n'est pas une police sans vocabulaire. Là. Similitude, ici. Il y a de la libellule, hein, au mois de mars. Bidule. Vous ressemblez à une bidule à radio, c'est KRL. Radio communautaire, 40 ans, là. Vous n'avez pas 40 ans, vous? Vous êtes... Restez avec nous. Bon, on vous amène, monsieur. Vous ne seriez pas Rénal... Comment il s'appelle? Rénal Jonquière. Non, Grogny. Monsieur Grogny. Ah, c'est bien, oui, gardez le nez. Grogny, c'est vous, ça? Oh, excellente émission. Allez, embarquez. On a pris 3-4 gardés en arrière, là. On a perquisitionné. C'est un mot qu'on a appris à Jonquière, ça. Réquisitionné là, des caisses de bière vide, puis embarquez dans le coffre, puis servez-vous, parce qu'il ne faut pas que ça paraisse. Parce qu'on a un superviseur qui nous supervise. Puis s'il nous voit avec un fêtard, là, ça ne fonctionnera pas. C'est nous autres, on a une notoriété, on est de la police. Quand on fait pour pas dire hey, c'est la police! On dit pas monsieur, c'est la police! Il faut quand même avoir une voix, puis une droiture. Moi, je suis comme l'arbre, je suis un peu plié. C'est votre humour, ça, M. Grenier. M. Gagne, M. Cochon. Hein? Cochonnet, M. Bon. Embarquez dans le coffre, là. Bon. Il y a de la bouffe, là. Je vais vous montrer. C'est le caviar qu'on a. Ouais. On est au Grand Théâtre. On a, oui, il y a eu un chanteur de comment il s'appelle? Il se prenait pour Frank Batra, là. Frank Cotroni. Non, c'est. Ben, embarque pas là-dedans, toi. Non, c'est Strange. C'est qui, lui? C'est. Frankie Bézès. Qui? Frank Belize. Ah, d'accord. Et puis, on a tout pris. Il y a de la bonne bouffe là-dedans. Il y a de la boisson. Il y a du champagne. On y a écouté un petit peu. Parce qu'on s'est dit, on fera là-dessus. On l'arrête-tu pour fera la taille. Après ça, 3-4 gars-là, on s'est dit, hey, c'est du bon. C'est vraiment, ça vient de champion, ça. Champion, c'est champion, hein? Oh, la veuve Pito. Ah, oh, c'est bon. Non, c'est Clito. Clipo, moi, en tout cas. Avec votre monsieur. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Allez, dans le coffre. Amène-le dans le coffre. Allez, couche-le. Ah. Dormez pas, là. Buvez, mangez. Là. C'est le temps. Quand on va l'ouvrir, là, vous partez après, OK? Il y a un taxi qui va vous attendre. Clo-Clo, vous connaissez pas? Clo-Clo le héros, là. Quand on l'appelle, on dit « Hey, Clo-Clo le héros! » Il arrive, pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom, son petit jambon-jambon-jambon. Ta-dum-ta-dum-ta-dum. Il est tellement heureux, ce gars-là. La joie de vivre. Malgré ses 3 cancers, là, la joie de vivre, ce bonhomme-là. Clo-Clo. Alors, à quoi bon faire cette émission? Non, il y en a deux. Deux quoi? Deux cancers. Un cancer et demi. Deux cancers. Il n'y en a pas. Il mange du chocolat, puis lui, là, pour combattre son diabétique, il combat le sucre par le sucre. Il mange du sucre, il boit du sucre, il voit du sucre, il rêve du sucre, il n'est qu'un carré de sucre. Clou-clou de sucre. Comment on fait cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement ici, hein? Oui, ciré. Librement ciré. Ça, le parquet, là, Mme Tremblay, là, j'ai mis des bas en laine. J'ai glissé 3-4 coups, je me suis pété la bargoulette. C'est beau, c'est glissant, c'est... Aujourd'hui, le vendredi 29 mars 2013, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait. Ces errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nos... Hein, oui? Allez-y, on vous écoute, madame! OK? OK? Ouais, mais saviez-vous qu'on était en... On était inondés d'ondes? Oui, ça veut dire que... Ouais. On peut pas vous parler pour le moment. Mais... Oui. Les... On... La musique... Attends. OK, merci. Bertrand Soulier, parce que unissons-nous autour de... Vous avez... Oui, madame. Coupe. Yann... On comprend pas l'émission, hein? Ça coupe. Ça coupe pas, c'est madame Tran. Oui. Ah, parce qu'elle parle tout le temps, comment vous voulez? Oui. Mais, on. En non. Merci. On vous embrasse. Oui, avec la langue. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, toujours avec la langue, madame, parce qu'il faut ramasser les miettes, hein? Appel pour nous envelopper dans une atmosphère narrative. Unissons-nous autour du chanteur Bertrand Soulier, mais c'est plus qu'un chanteur. Bertrand Soulier, passionné de musique dès sa petite enfance, il commence sa formation musicale à l'âge de 5 ans. Mais très vite, il se tourne vers la musique de variété, jazz, blues, pop et rock, dont il n'aura de cesse de suivre l'évolution au fil des ans. Donc, il ne cessera de suivre l'évolution au fil des ans. Hein? Parce que dans ma tête, c'est parce que j'ai ma lunette qui coupe. C'est à cause de la lentille. En tout cas, c'est une autre histoire, ça. Conscient de la... Lui, au moins, contrairement à moi, il est conscient. Conscient de la nécessité d'approfondir son art, il décide finalement de parfaire ses études au conservatoire de musique. Ses débuts dans le métier remontent en 2003, lorsqu'il alterne les piano-bars, le groupe de musique glam rock, ainsi que les concerts en solo avec ses propres chansons. Son premier album sort en 20 mars 2008 et a pour titre Discorama. Bertrand Soulier ensuite fait une tournée d'une cinquantaine de villes un peu partout en France. Son deuxième album, Single, est sorti le 10 octobre 2011. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Patiner sur les glaces des lacs. Gelé, s'élancer, tournoyer dans les flammes du froid, envelopper, s'arrêter, s'amuser des drôles de petits nuages essoufflés, qu'essouffler, essouffler, on se jette au visage. la bienvenue. T'es sur CKRL de 89.1, la première radio communautaire francophone au monde. D'accord. Donc, c'est une radio associative, une radio qui laisse la place énormément à la francophonie. Donc, mon émission s'y rattache beaucoup. Donc, je fais des rencontres parisiennes et dans le cadre de mon émission, je diffuse ce que je fais ici et durant l'année. Donc, toi, ce qui m'a accroché, c'est peut-être le petit côté provocation de ce que tu fais en solo, parce que tu es dans plusieurs sphères. Tu n'es pas juste en solo, tu fais beaucoup de travail avec d'autres. Oui, j'écris beaucoup de chansons pour les. J'écris des chansons pour pas mal d'artistes français. Et voilà, et puis de temps en temps, je reviens à moi. Donc, je fais un disque, donc, en général, tous les deux ans, tous les trois ans. Je fais un album pour moi. Et donc, tu as trouvé ça provoquant? Ben, certains trucs, oui. D'accord. En tout cas, c'est hors norme. Donc, ça ne suit pas les sentiers traditionnels. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, de singulier. D'accord. Même dans les vidéos, dans les clips, il y a un ton accrocheur. D'accord. C'est pas la première fois qu'on te le dit. Là. Merci. Moi, tu sais, en France, on est... Il y a un rapport étrange à la provocation dans la chanson. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les grands... Enfin, pour moi, je crois que tous les grands de la chanson française sont des gens qui provoquent, mais sans le chercher, en fait. Je pense pas que Gainsbourg, au début, cherchait vraiment à être provocant, ni Ferret, ni Brassens, ni Brel. Moi, je cherche pas non plus à provoquer. Donc, je suis toujours content quand les gens me disent... C'est un peu provocant ce que tu fais, parce qu'en fait, je fais pas du tout ça pour choquer le bourgeois, ou c'est vraiment pas l'idée. Et voilà, donc je le prends toujours un peu avec une petite fierté, voilà, en disant « ouais, chouette, c'est chouette ». Puis quand les gens sont, la provocation au sens large, mais quand les gens sont un peu interpellés, un peu secoués par quelque chose, ça veut dire qu'on a bien fait son boulot. Et, on voilà. est arrivé au but. Exactement, c'est chouette, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Mais tes parents ne faisaient pas rien de créatif, ils n'étaient pas dans le milieu. Bah si, ils m'ont fait moi déjà. Donc, pardon? Ils m'ont fait moi. Ah oui, quelle création. Ça je peux te dire, c'est, on est déjà au top de la création. Oui. Non. Mais mes parents sont... Ma maman était commerçante, a fait un peu de politique, et mon papa était un ingénieur foufou qui inventait des choses. Donc, dans ce sens-là, il était créatif. Okay. Mais personne dans la musique ou dans la littérature. Voilà. Mais c'était. Moi, je suis né dans les années 70, donc c'est vrai que c'était des années super créatives. Ouais. On avait plein d'exemples partout. Il y avait des bons disques, des bons bouquins, des bons films. Voilà, donc c'était. Et tu trouves que ça a changé aujourd'hui? Ah bah oui. Ok. Ouais, je trouve qu'il y a moins de bons disques. Pourquoi? Et moins parce de bons qu'il y en a films. Trop. En ayant trop, il y a moins de peaufinage. Non, je pense pas que ça soit trop. Je pense que, en fait, je pense que d'une décennie sur l'autre, on baisse. Ok. Enfin, c'est mécanique. C'est, j'en veux à personne, hein, mais je pense que la créativité musicale était plus forte en 60 qu'en 70, plus forte en 70 qu'en 80. Enfin, c'est, alors on en perd à chaque. Ouais. On perd une roue dans chaque virage. Mais je sais pas si ça te fait cette impression-là. Ben moi je crois pas, parce qu'on a plus de choix, donc c'est beaucoup plus diversifié. Tu vois, j'ai l'impression de me dire, tiens, l'année 1970, qu'est-ce qu'il y a comme grande chanson? Et tu t'aperçois que des grandes chansons en 1970, il y en a 50. Des trucs, des standards en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout quoi. Et tu te dis, tiens, en 2010, il y a eu combien de grandes chansons, quoi? Et tu te dis, mais c'était quoi les grandes chansons de 2010? Mais là, tout est, dans les grandes chansons, tout est relatif. On peut pas, pour certains, c'est Étienne Dao. Pour d'autres, c'est Biolay. Donc, tout est... Mais même, tu vois, j'ai pas l'impression que... Moi, j'aime beaucoup Benjamin Biolay, j'aime beaucoup Étienne Dao. Mais j'ai pas l'impression, si tu veux, que La Superbe, ça soit une chanson qu'on chante encore dans 20 ans. Ok. Alors c'est très démonable. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. J'ai pas l'impression que ça soit des chansons qui marquent le temps. Déjà parce que la fabrication de La Superbe, c'est un flow proche du rap. C'est-à-dire que tout le monde peut pas chanter Toi, c'est pas à Paris, c'est un moment, je sais plus ce que ça fait la super, mais. C'est plus orchestral, un peu comme Melody Nelson. Exactement, mais ne serait-ce que dans le débit, tout le monde peut marcher dans la rue en chantant la super. Quoi. Ouais. Donc, c'est, donc tu vois, tu perds un côté. Populaire. Je trouve. Voilà, mais simple, efficace, ce qu'a fait la fortune des Beatles. Hein. Mais toi, la chanson, c'est plus populiste, c'est moins. Bah, je trouve que c'est tellement chouette d'avoir. Moi, ça m'arrive pas tout seul, mais il m'arrive d'avoir d'écrire des chansons pour des gens qui ont du succès. Et c'est vrai que c'est chouette. Florent Pagny, en de voir. Oui, Florent Pagny, Elisa Tovati. Enfin, tu vois, là, on a fait des jolis succès avec Elisa l'année dernière et cette année. C'est incroyable d'entendre les gens dans la rue chanter ta chanson, quoi. Ah, c'est flatteur. Tu te dis. Mais non, mais c'est surtout que tu as réussi ton boulot. Oh, oui. Ok, il faut accrocher. Voilà, tu voulais juste faire un truc où, voilà, tu vois, que les gens s'y flottent. C'était des chansons simples, sans prétention. Cherchais pas à faire Melody Nelson ou. Ouais. Voilà. Et hop, ça marche d'un coup, quoi. Et ça, c'est valorisant pour le créateur. Bien sûr, c'est une vraie récompense, tu vois. C'est mieux que le pognon encore. Et le pognon, c'est bien. Oui, tu vois. Mais bon, c'est la nouvelle religion, l'argent. Hein. Donc, mais ça a remplacé. Tu sais, en France, on avait un grand acteur qui s'appelait Louis Juvet qui disait le succès, c'est simplement l'autorisation de continuer. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir du succès parce que ça remet un peu d'essence dans la machine. Et on peut rejouer pendant un an, deux ans, trois ans. Et l'argent fait partie du succès. Bah, je ne te parle pas des milliers des cents, parce que de toute façon, des milliers des cents dans l'argent, dans la musique, il y en a de moins en moins. Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, ça permet de payer son loyer, de payer des vacances à ses mots, mais voilà, d'avoir l'esprit libre pour travailler. Bah, ça, c'est plutôt chouette, quoi. Et tu as commencé à vouloir faire de la musique à quelle période, à quel moment de ta vie? En août 77, ouais, quand j'ai appris la mort d'Elvis Presley. OK. Et en fait, j'étais dans la voiture avec mes parents. Et à 18h, aux informations, on a entendu l'annonce de la mort d'Elvis Presley. Tu aimais à l'origine Elvis ou... Je connaissais pas du tout. Ah. J'avais, pourquoi ça t'a touché si tu connaissais pas? Parce que j'ai vu mes parents. Ok. C'est la réaction des autres. Ouais, j'ai vu mes parents complètement déstabilisés. Et j'avais jamais vu mes parents déstabilisés. Et je me suis dit, mais quel est ce bonhomme, tu vois, qui peut faire que. Voilà. Et donc, ils ont commencé à passer des chansons à la radio, des extraits à la télé, voilà. Et je trouvais ça absolument fascinant qu'un crétin avec les cheveux en l'air et une guitare, si tu veux, arrive à déstabiliser mon père, qui était une sorte de navire, de paquebot, inébranlable. et voilà. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la chanson comme ça, à travers Elvis Presley. Puis assez vite, en fait, j'étais... Mais avant, t'écoutais quoi? Avant, j'écoutais Pierre. Est-ce que tes parents écoutaient? Mes parents écoutaient peu de choses. Okay. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de musique à la maison. Mais à part Pierre et le Loup de Prokofiev, j'avais pas dû écouter grand-chose, tu vois. C'est plutôt pas mal, ouais. Mais voilà. Et puis, je suis rentré là-dedans très vite. Grâce à Elvis. Ouais. La mort d'Elvis. Exactement. Mm-hmm. Et puis après, je suis rentré... J'avais un cousin qui était plus grand que moi, de 5-6 ans. Donc, je suis rentré en France, c'était là, je sais pas chez vous, mais je pense que c'était pareil. Mais en France, c'était la grande mode du hard rock. Donc, je suis rentré ACDC, Iron Maiden, machin truc. Enfin, voilà. Et puis, moi, ça s'est arrêté vite pour ce qui était chanson parce que je suis tombé complètement amoureux du jazz rock. Ok. Quand j'avais 12-13 ans, quand je me suis mis à écouter Miles Davis, Weather Report. Je l'ai vu, c'était bio. Hein. Et j'ai écouté ça jusqu'à très très tard. Oh, some respect now. Baby. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte, c'est beau, c'est beau. C'est mon grand succès. Avez-vous remarqué, madame? Faudrait... Avez-vous une autre chanson? On se calme. On recueille. On cueille. Et on puise. Please, get me, qui? Get me, Gertrude. Garde-moi, Gertrude. Elle se prend pour l'autruche. L'autruche, oui. Ben, en fait, lors de notre dernier voyage, Madame Thibodeau, on l'a amenée. On ne voulait pas, mais elle s'est encastrée dans notre voyage désorganisé, parce qu'avec elle, c'est jamais... on voulait aller voir plein de choses là-bas. Et on a fait que la suivre de pas en pas, de cueillir. Oui, et puis c'était incroyable. On lui a demandé, voyons donc, vous venez ici, pourquoi? Pour voir du pays. Ben oui, mais là, suivez-nous. Ah non, je suis autonome. Oh mon Dieu, un mot qu'il ne faut pas qu'elle mette dans son vocabulaire, elle. Autonome. Fait que là, on dit, on va la laisser aller, elle ne connaît pas le pays, on va la suivre. On va aller à l'aventure, comme dit l'émission de Rénal Renmaldienne. Comment, c'est quoi? La lance, balance la Rénelle. C'est B, c'est qui, c'est B. En fait, la chanson de Gilles Vigneault, là. Il n'y en a pas de chanson Errance Rénaldienne de Gilles Vigneault. C'est dommage, ça. En fait, c'est dommage pour lui, pour Gilles, non pour Rénal. Et puis donc, on l'a laissé, on l'a suivi comme un GPS. C'était du sérieux, là. Nous étions collés à ses semelles. Nous sentions comme Sherlock Holmes. Avec la loupe, là, la loupe. Où allez-vous, madame? Êtes-vous des détectives? Vous prenez pour Columbus? Non. Mais avant de faire une thrombose, parce que moi, j'ai des problèmes j'ai des problèmes, moi, là. Depuis la naissance, là, j'ai pleuré lorsque je suis né, moi, là. OK, je tiens à vous dire ça, là. Puis je crois que je recrée ça. On appelle ça comment, là? On en a parlé récemment. Oh, mon Dieu! On fait du radotage. Non, on récapitule. Ah, oh, ça, c'est une question de vocabulaire, hein? Radotage ou récapituler? C'est la même chose. C'est similaire, c'est semblable, c'est pareil. Pas compliqué. Faut pas chercher de midi à midi et quart. De midi et quart à midi et demi. De midi et demi à 1h15. De 1h15 à 1h. C'est 15 minutes par 15 minutes. 15 minutes par 15 minutes. 15 minutes par 15 minutes. 15 minutes. Attends, c'est quoi, donc? 4 par 4. On frappe pas du talon, on frappe pas du talon, la destinée, la rose au bois. On frappe pas du talon, on frappe pas du talon. Enlève le torchon, madame, enlève le torchon. On m'entend mieux sans torchon. Ben voyons, c'est ça le problème, on t'entend mieux. OK, vous voulez qu'on efface? Efface-toi! OK, non. Non, pas pour le moment. Je resterai fidèle à un public... Un public, il n'y a pas de public ici, OK. Hey, à Paris, là, il y a de la vache Holstein. Puis ils aiment ça parce que ça sonne anglais. C'est quoi, c'est une blague, ça, là? Ouais, ça fait partie du grévis rénaldien. Oh, mon dieu. Les blagues de A, B, C, D jusqu'à X, Y, Z. Et entre ça, c'est du remplissage comme l'existence, là. Il y a la vie, il y a la mort. Puis à travers tout ce cylindre, bien, on essaye d'avoir du plaisir. Hein? Puis plus on cherche, plus on perd son plaisir parce qu'il faut se laisser aller. Là, il y a eu une heure moins cinq, madame. Ah, oh, mais j'ai minuit 55, c'est la même chose. Vous cherchez trop. Dilatez votre esprit. Ah, mon dos, mon mari, il a été à l'hôpital la semaine dernière. Oui. Il y a un problème à ta grosse table. Ça va bien, ça va très bien, mais on avait. Ça va? Ça va bien, merci. Tout le monde me dit que ça va bien. C'est curieux, ça, là. Quand une personne te le demande, tu réponds, là, ben, oh, hey, oui, très bien, merci. Et toi? Ah, oh, moi, ça va bien, mais toi? Oui, oui, moi. Oui, ça va. Puis toi? Ah, moi, très bien. Mais toi? Moi, ben là, il me semble que ça va bien, là. Arrête de me poser la question. Non, je te pose pas la question, là, mais toi, ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, je sais pas, toi. Ben, moi, il me semble que ça va bien. Arrête donc, ça va. Oh, ben, je sais plus. Ah, je sais plus. Attention, Facebook. Hey, c'est un petit coup de ouais, c'est un petit coup de vie. Je me souviens de cette vie qui me rafraîchit sans cesse dans la tête. Albin de la Simone a écrit une chanson qui s'appelle « Il pleut dans ma bouche ». Puis moi, ben. On siphonne dans mon cerveau. Ah, oh, ben, ça, c'est. Il me semble que c'est moins bon pour Calvin de la Simone. Ben, c'est toujours moins bon. Moi, je fais de la récupération musicale. Oh, langagière. Oh, de la récapitulation langagière. Oui, monsieur. Attention. Facebook, on sait pas ce que ça veut dire, mais laissez-le tranquille. OK, on continue l'émission, puis on va le laisser aller. Ça va bien aller, je vous dis. Sinon, ben, on appellera là. Les autorités qui auront l'autorité de le calmer. Sinon, ben, écoutez, il terminera où il doit terminer. Mais bon, pour le moment, là, restez calme, restez calme. Il n'entend absolument rien, ça va bien, ça va bien. Ne te fais pas, ce sera bien. Ne t'en fais pas, ce sera bien. Tu verras. Le chat s'excite, mais il ne connaît pas son destin. La sonnerie ne voit plus le jour de s'éteindre. Devant ce doux chagrin, tu verras, ce sera bien. Tu verras, ce sera bien. Oui, je sais, nous t'enlevons de ta maison, nous t'extirpons. Tu avais vu tes enfants vivre dans cet appartement, mais tu verras, ce sera bien, tu verras, ce sera bien. Oui, tout le monde peut flancher, tout le monde peut oublier, mais ce soir, tout ira mieux lorsque le son sonnera mieux. Ça sonne très bien, c'est un micro, M. Tremblay, des États-Unis, qui était à l'époque très uni, et maintenant un peu moins. Quoique, vous savez que l'argent amène la disparition intellectuelle de bien des individus. Et quand on parle au niveau économique, ben là, dans les couples, combien de divorces pour de l'argent? Hey, j'avais 25 cents, c'est toi qui me l'as pris dans mes poches. Ben voyons donc, toi. Ma mère a hérité. Ben voyons donc. Mais moi, je suis irrité qu'elle a hérité. Je suis irrité que toi, tu sois riche, puis moi, pauvre. Ben oui, ben on va partager. On ne veut pas partager, moi. T'es un homme, moi, là. T'es un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Ben un homme, c'est rien aujourd'hui, là. Une femme, c'est tout. Ouais, une femme, c'est tout. Un homme, c'est rien. Une femme, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça, c'est quoi? C'est, ben, comme je disais à l'autre, là, c'est l'égalisation de l'humanité. Homme, femme, pareil. Pas facile, là, hein? Surtout dans un univers où tout est machiste. Tout se révèle à travers qui? À travers qui? À travers rien? À travers... tout. Tout. Ben, tout, là. Tout, tout. Tous nos préjugés. Ah, mon Dieu! Peut-on juger nos préjugés? Monsieur l'avocat, c'est là, écoutez, on a écoulé beaucoup de temps. Et ben, on s'écoule souvent, nous. Ah oui, c'est vrai, on s'égrène, on s'écoule, on coule, on tombe, on se démolit sous les regards intensifs d'une humanité prête à enrober toute cette souffrance. Oh oui, CNN est là pour filmer. Les informations prédigérées, seconde par seconde, minute par minute, 24 heures sur 24. Amenez-en de la misère, les caméras sont là. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Puis là, on voudrait faire, puis on voulait faire une improvisation de Bukowski. Mais il est trop tard, tu verras, ce sera bien! Hey, hey, all right. dress on. She can do the ballet all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Yeah. And I wanna know. And I wanna know right now. And I wanna know. And I wanna know right now. Yeah. And I wanna know. And I wanna know. Yeah. What? What's that? What's that? What time? All right. J'étais, je faisais de la basse et puis est-ce que tu joues encore de la basse? Ouais, okay. Toujours, ouais. Je fais toujours de la basse en studio et sur scène sur cette tournée là je l'avais et puis voilà, et puis après j'ai complètement arrêté la musique, j'ai fait journaliste. Pourquoi t'as arrêté la musique? Ça te correspondait plus? Bah c'est pas ça, c'est que j'arrivais pas à en manger. Ok. Donc c'était. Et t'avais une formation journalistique? Ouais, après j'ai fait une école de journalisme. Ok, alors tu as arrêté la musique pour retourner aux études? Ouais. Ok. Et voilà, parce que vraiment j'en bouffais pas quoi. Donc je voulais partir de chez moi, prendre mon appartement. T'avais fait un album, Non, non. Ok, rien. Non, rien du tout. Okay. Rien du tout. Moi j'étais fait pour être musicien de studio en fait. Et c'était l'arrivée des machines, des synthétiseurs, des. Voilà, donc il n'y avait plus de place. Il y avait trois vrais bassistes en France qui jouaient. Il y avait, tu vois, Dominique Bertram, Yannick Top, voilà, oh, oui. qui trustaient tout le marché. Et puis bah, pour les autres, c'était difficile. Et voilà, donc j'ai fait journaliste pendant quelques années. Et puis après, j'ai fait de la publicité. Des jingles, des... Ouais. Ok. J'ai fait... mais rien de musical, hein. J'étais créatif, c'est-à-dire que je trouvais des slogans. Ok. Voilà. Et puis... Des slogans qui ont encore resté qui restent encore aujourd'hui? Ouais, des slogans dont on se souvient pour des cigarettes, pour de la bière, pour, je sais pas, pour 1664, il y avait une bière, ça s'appelait 1664, j'ai fait un claim. Ça existe encore? Ouais. J'ai vu des canettes. Ouais, 1664, c'est une grande marque, j'avais fait un slogan, ça s'appelait 4 chiffres plus forts que tous les mots, je crois. C'est une campagne qui avait vachement bien... Et ça vient de toi, ça? Ouais, qui avait bien marché. J'avais travaillé pour Orangina aussi, Orangina Rouge. Oui. Tu sais, avec le méchant qui est une tronçonneuse. Oui. Je dis, mais pourquoi vous êtes méchant? Elle répondait parce que. Voilà. Ou ce genre de choses. Okay. Et puis. Mais c'est payant, ça, surtout. Ah oui. Ah oui, c'est un univers. Oui, oui, ça c'est payant. Hein. Très, très payant. Ça c'est payant. Et puis, j'avais envoyé un slogan pour Ivory, ça n'a pas fonctionné. Mon Ivory, c'est ça la vie. Non, hein. Pourquoi pas? C'est quoi Ivory? C'est quoi Ivory? Non, Ivory, le savon Ivory. Je connais pas, on n'a pas ça, nous, ici. Ben, il y a ivory.fr. D'accord. Le savon pour se laver. D'accord. Il n'y a pas ivory ici. Je connais pas. Ah? Je connais pas. Mon ivory, c'est se laver, c'est excellent. Pas mal. Ben, j'ai rien eu. Pas mal. Ouais, en tout cas, je suis resté seul. Ils t'ont même pas envoyé, ils t'ont même pas envoyé un chèque, oh, là. Non, même pas de retour de courriel. D'accord. Donc, j'étais... Bon. C'est des salauds chez Ivoirie, en fait, on peut le dire. Pardon? C'est des salauds chez Ivoirie, ils ne répondent pas. Ben, surtout Ivoirie. Donc, les autres, je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu... Ivoirien chez Ivoirie. Non, ils ont de la mousse plein les yeux, donc ils ne voient pas quoi. Alors, après la publicité, qui est un univers quand même assez intéressant, assez créatif, mais éphémère aussi, là, parce que tu te trouves une idée, mais après c'est fini, il faut trouver... Ah bah oui, c'est tous les jours, tu as des idées à trouver. Mais bon, c'est une mécanique, c'est une gymnastique, donc C'est un peu comme en poésie, tu prends jamais de congé, tu prends jamais de vacances. Exactement. Tu tout le temps. Exactement. Tu trouves une phrase clé, tu prends une note. Exactement. Sur mon iPhone, je vais dans les notes de mon iPhone et j'ai des lignes et des lignes et des lignes et des lignes. Alors, c'est pour des futures chansons, des commandes. Est-ce qu'il y a beaucoup de commandes? Écoute, ouais, en ce moment, je travaille pas mal. Je fais, j'écris le prochain album d'Elisa Tovati. Okay. Bon, chanteuse, en ce moment, je travaille avec Julie Zenati aussi. Là, donc ça, c'est là, maintenant, tout de suite. Mais quand tu fais une chanson, est-ce que tu la suis un peu comme Gainsbourg le faisait au studio pour voir comment bien sûr. Tu... Hein. Ok. Ouais, je lâche rien. Puis t'es un harmoniste, je suis arrangeur, ouais. Ok. Mais donc ça c'est ce que je fais là tout de suite en ce moment. Sans ça, cet été, on va finir une comédie musicale qu'on écrit avec Alain Chamfort et Pierre-Dominique Burgot. Alain Chamfort qui vient de faire un nouvel album de duo. Exactement. Excellent. Exactement, et donc on écrit ça avec Alain et Pierre-Dominique Burgot qui est... l'auteur du Soldat Rose. Oui. Mathieu Chédid, qui est. Et que c'est pas rendu chez nous, je sais pas pourquoi. J'ai adoré. Mais très souvent, on fait ça uniquement en France, puis on se rend pas plus loin dans la francophonie. Ouais, je sais pas, mais peut-être qu'il n'y avait pas de demande. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, tu sais, c'était. Il y a 20 personnes sur scène, il y a 30 machinaux derrière, donc c'est beaucoup d'argent. Oh, oui, c'est pas un soliste qui se présente sur scène. Donc cet été, on va terminer ça. Voilà, c'est une comédie musicale qui s'appelle Empire State Building, qui se passe tout en haut de l'Empire State Building dans les années 30. Encore un méga... Pendant la construction, en fait. Un événement qui ne pourra pas être facilement récupéré dans d'autres salles. Si, nous, on essaye de faire... on aimerait bien faire... Là, on ne peut pas avoir la version acoustique. C'est l'infrastructure. Exactement, oui. OK. Mais souvent, c'est les décors qui ne sont pas faciles à... Pink Floyd, là, quand ils ont 35 camions, ils peuvent pas faire une petite salle à hisser à baisse là, dans ce coin-ci. Donc faut que ce mais des fois, ils font l'Olympia aussi, ça c'est bien. Oui, mais enfin, les Floyd, ils l'ont jamais fait, mais. Oui, voilà, les Rolling Stones l'ont fait. Moi, l'Olympia, j'ai vu les Stones, j'ai vu McCartney. Oui. Tu vois, c'est à dimension humaine, c'est encore mille fois plus fort. Quoi. C'est moins froid. Tu vois, non, puis c'est surtout que tu t'aperçois que les mecs, c'est des vrais showmen. Ouais, c'est ça, ils sont là à côté de toi, donc c'est quoi, il n'y a pas d'artifice. Et c'est 3-4, ça joue. Et, exact. Ben, c'est ça le rock'n'roll aussi. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire au niveau musical? Mais là, tu es rendu à ton deuxième album, hein? Ouais. OK. Là, j'ai fait mon deuxième album. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai pigé ça sur Internet, donc il y a beaucoup de. C'est un album qui a été interdit ou qui a été. Non, hein? Ah non, j'ai eu un problème avec une chanson. J'ai eu un problème avec une chanson qui s'appelle Pavillon-sous-Bois. Donc Pavillon-sous-Bois, c'est le nom de la ville où je suis né, où j'ai grandi. À quel endroit? C'est en Seine-Saint-Denis, c'est dans la banlieue parisienne. Ça, c'est pas loin d'ici, Et le métro Sirin, donc... C'est ça. Oui, je l'ai vu. Et en fait, il s'est passé un truc absolument incroyable. C'est-à-dire que je fais une chanson sur ma ville d'enfance. Un peu comme Nougaro, en fait, sur Toulouse. Sur Toulouse, ou... D'ailleurs, à la fin de cette chanson, Pavillon-sous-Bois, je cite Nougaro et Toulouse et les Beatles avec Strawberry Fields. Et en fait, monsieur le maire, ça lui a pas plu. Pourquoi? Parce que, en fait, je disais que la ville où j'avais grandi était plus. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis parti de cette ville quand j'étais à la fin de mon adolescence. Et j'y repasse 10 ans après. J'étais jamais revenu. Et je reconnais simplement pas ma ville, quoi. Et, Et donc le refrain, c'était « Pavillon sous bois, c'est peut-être chez toi, c'est plus chez moi. » Enfin, et donc je crois qu'il n'a pas du tout aimé qu'on parle de sa ville. Ce qui était un truc de fou parce que lui-même n'est pas né dans cette ville, n'a pas grandi dans cette ville, a été parachuté. Lancé, okay. Enfin, voilà. Et là, les mecs se sont énervés. Une les histoire mecs, de qui? Le conseil municipal. Ok. Et c'est vraiment pas les médias. C'est, non, mais si, okay. Parce qu'en fait, ils ont appelé tous les médias. Donc je me suis. C'est une belle pub, ça, c'est bien. L'histoire est marrante, quoi. Parce qu'un un soir, je me couchais complètement bourré à 4h du matin. À 6h, mon attaché de presse appelle en me disant faut que tu décroches, RTL t'appelle. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai les gens d'RTL à 6h30 du matin, donc ça rigole pas RTL, c'est 2 millions de personnes qui écoutent à 6h30. Hein. Et avec le maire qui m'incrimine. En liaison dans... Ouais, en liaison. Okay, alors t'avais vraiment... Sauf que moi je sais même pas ce qui se passe. Okay. Donc je suis pas au courant de l'histoire. Et donc je dis mais excusez-moi, vous me parlez de quoi? Oui, la chanson Pavillon sous bois. Je dis mais la chanson Pavillon sous bois, quoi? Tu vois? Qu'est-ce oui, bah là là, on va vous foutre devant les tribunaux, vous allez voir, nanana, on va faire interdire votre disque. Donc là, je leur ai dit, écoutez, je suis encore un peu bourré, je suis fatigué. Donc moi, je vais me coucher, puis on s'appellera plus tard. Au revoir, bonne journée. Okay. Donc l'autre est devenu dingue. Et tu veux dire la mère est devenue dingue, ok. Et en fait, ils ont voté au conseil municipal de la ville où je suis né le fait de, c'est un terme en France, de mester en justice, c'est-à-dire de d'avoir le budget illimité pour m'attaquer en justice. Et là, si tu veux, toi, t'es juste toi, avec ton éditeur, ta maison de disques. Et on peut pas mettre 1 million d'euros juste pour une chanson, ou... Enfin, voilà, quoi. Et en fait, toute l'histoire, c'est que cette chanson avait été compilée par l'Éducation nationale en France sur un petit livre, et j'étais pas au courant. On s'en sort les pieds devant, ou par la Nationale 3. On collectionne les mois de mauvais temps, et des points Coca-Cola. Les voisins sont des gens étranges, d'ailleurs on ne leur parle pas. Les portes ouvertes et la cuisine orange, oui on pouvait en ce temps-là. Papa invente au fond du jardin, et ma maman est très jolie. On lavera la voiture dimanche matin si on rate pas l'homme du Picardie. Quand on s'emmerde, on va chercher le pain, c'est l'enfer ou la boulangerie. On garde la monnaie dans sa petite main, on est voleur en Seine-Saint-Denis. Pavillon sous bois, c'est chez moi. Il y a le grand cimetière, dans le dépôt RATP. J'écoute les voix et j'entends les prières, ici le bon Dieu est syndiqué. Et c'est ainsi que filent les années, comme une enclave au ciel de traîne. Je suis parti le jour où j'ai compté, il y en avait trop par semaine. Comme le confort à main, tout a brûlé, tout est pourri. Je ne verrai pas l'église ni la mosquée, le maire Fronat et la boucherie halal. Car mon Toulouse, ils l'ont tout abîmé. Strober et Fils, ils lui ont fait trop de mal. Le jour où j'ai compté, il y en avait trop par semaine.

j'ai trop bu. À Rio, j'ai eu le mal du pays. Oh, Paris perdu, je retourne vivre à Paris. Et c'était des livres sur la chanson française et l'enfance. Voilà. Et il y avait cette chanson dedans. Et il s'avère que le maire de Pavillon-sous-Bois, son fils avait ce livre-là. Et dit, papa, tiens, regarde, il y a une chanson sur la ville. Et l'autre, il dit ça. Où je parle des musulmans, des boucheries halal, du Front National, du... voilà. Le 93, c'est une région compliquée en France. Et voilà. Donc voilà, donc ils étaient très énervés là-dessus. C'était le seul petit pépin que j'avais eu. Mais rien de très grave. Mais là, aujourd'hui... Ah ben aujourd'hui c'est... Est-ce qu'ils t'ont dépouillé ? Ils sont... Non, ils se sont calmés à un moment parce que je pense que les gens de Pavillon-sous-Bois se sont dit on a peut-être d'autres problèmes. Oui mais as-tu payé quelque chose ? Non, rien du tout. Alors ça s'est terminé comme ça. Ça s'est arrêté de sa belle mort, ouais bien sûr. C'est merveilleux. Ah mais j'ai tout eu hein. Écoute, tu sais quoi ? Vas-y. J'ai fâché les gens du Front National. Juste pour une chanson là. Ouais. Okay. J'ai fâché les gens du Front National, les gens de l'UMP. Les gens du Parti Socialiste, le Parti Communiste et l'extrême gauche. Ils étaient tous contre moi. Et là, je me suis dit, t'as fait une super bonne chanson. Ah oui. Là, tout le monde était contre c'est moi. La belle publicité, je me suis fait allumer dans l'Humanité, dans Libération, dans le Parisien, dans le Figaro, les trucs d'extrême droite, le Nouvel Obs. Tout le monde m'a cartonné. Mais crois-tu à cause simplement de ça, les médias. T'as beau dans la télévision, surtout parce que la télévision, c'est puissant. Juste pour cette chanson-là. Ouais. Ah oui? Ouais. C'était un truc de fou parce que si tu veux, à un moment, dans la chanson, je mettais juste dos à dos la communauté des gens d'extrême droite et la communauté des musulmans dits intégristes qui foutent une merde incroyable. Et je leur disais, vous savez quoi? Allez tous vous faire foutre. Faites des jolis souvenirs de mon enfance, des confettis. Moi, je reviendrai pas vous voir. Donc voilà. La chanson se finissait par. Je ne retournerai plus là-bas, l'enfance est un monde englouti, comme l'Atlantide, comme le Conforama, tout a brûlé, tout est pourri. Je ne verrai pas l'église ni la mosquée, le maire Fronat et la boucherie Halal, car mon Toulouse, ils l'ont tout abîmé, Strawberry Fields, ils lui ont fait trop de mal. Pavillon-sous-Bois, c'est peut-être chez toi, c'est plus chez moi. Voilà. Et là, ils sont devenus fous. Cinglés. Voilà. Puis là, t'es boudé de la télévision pour et ça. Non. Ok. Non, mais j'ai fait le journal de LCI, le journal de la 3, machin truc, mais ça, les mecs. C'est gratos, mais Monsieur Soulier, mec. Ah, oui. Et puis c'est à un moment un truc, mais ça, vous êtes dingue d'écrire des trucs comme ça, quoi. Ah, c'est peut-être de là, beaucoup de sites. Dis-toi que t'es quelqu'un qui est un peu comme Gainsbourg dans la provocation, c'est ouais, juste pour une chanson. Peut-être, alors que si tu veux, c'est, je parle juste de la ville où j'ai grandi, quoi. Mm-hmm. Ah oui, c'est ce que tu ressens. Bien sûr, c'est un truc de dingue. Et c'est surtout dans le même temps, si tu veux, t'as des groupes comme Section d'Assaut qui sortaient des disques. À l'époque, ils n'étaient pas très connus. Et, ben, Mister Hammer, ou, tu avec vois, bien sûr, flic, Sacrifice de poulet, ou Section d'Assaut qui Brigitte, voulait... femme de flic. Ouais. Ah ouais. Ou Section d'Assaut qui voulait dépecer les homosexuels, les jeter sur les... Mais toi, t'es pas tu vois à l'origine de droite, t'es un... Je m'en fous, moi. Ok. Moi, je sais très bien que, tu vois, si, moi, je connais bien l'histoire de mon pays, ouais. Et je sais qu'à la fin, je sais qui... Excuse-moi, mais je sais qu'il l'a dans le cul, quoi. Okay. Tu vois. Donc, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, je suis toujours admiratif des gens qui rentrent en politique avec l'idée de bien faire. Je pense qu'ils sont assez vite démotivés. Et crois-tu que ça s'est amélioré depuis quelques mois ou Non. Non, okay. Non, je crois pas. Est-ce que c'était mieux avant? Écoute, vraiment, je pense que la France, il y a une situation que les gens ne veulent pas comprendre. Mais, et les politiques et les Français, c'est qu'il n'y a plus un rond, il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a deux solutions. C'est-à-dire soit on ferme les yeux et on dit on s'en fout, on continue comme avant. Arrivera ce qu'arrivera, tu vois. Soit à un moment on se dit bon comment on va faire, on va faire des économies, on va commencer à rembourser ce qu'on doit, parce qu'un jour il va nous arriver des gros pépins, quoi. Parce que je suppose que tout cet argent qu'on doit, il y a quelqu'un qui va faire mm-hmm. Hey, les gars, my money back, tu vois. Et ce jour là il va se passer quoi? On va dire ah non, mais parce que tu comprends, François Hollande il dit que, Nicolas Sarkozy il dit que, non, je pense que le mec il va dire le pognon maintenant vous le rendez vite. Et là je pense que ça va chauffer très fort, quoi. Est-ce que c'est pour bientôt selon toi? Je pense que c'est pour très bientôt, hein. Tu vois, c'est là, j'apprends que François Hollande, tout le monde s'est battu pendant une nuit, ça fait des semaines qu'ils se battent pour avoir un plan de relance de 120 milliards d'euros pour l'Italie et l'Espagne. Et on me dit 120 milliards d'euros, c'est une somme colossale, ce que je veux bien comprendre. Et dans le même temps, j'apprends que le déficit de la dette, le déficit du commerce français au premier trimestre est de 90 milliards, mais que ça, c'est rien. Oh oui. Alors je dis, mais attendez, 120 milliards, c'est colossal, et 90, c'est rien. Qu'est-ce qui alors, se passe pour relativiser donc, tout ça, donc, est-ce que vous me prenez toujours pour un con ou est-ce que... voilà. Donc je pense que vraiment, on nous prend pour des imbéciles, mais très ouvertement. Et je pense que vraiment, tout le monde marche. C'est-à-dire que, tu vois, je comprendrais jamais que un journaliste de TF1 à 20h ou un journaliste de TF1, un journaliste de France 2, à un moment, chope un Nicolas Sarkozy ou chope un professeur Hollande en lui disant « Mais attendez, vous me prenez tous pour des billes, quand même. C'est ce que vous racontez, c'est un non-sens. » Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut pas expliquer aux Français qu'il n'y a plus un rond ? Voilà. En France, il y a eu 2% d'augmentation, une proposition de 2% d'augmentation sur le SMIC. Les gens disent « C'est scandaleux. » Bien sûr, c'est scandaleux. Mais le salaire minimum, c'est quand même... Ici, c'est... Le salaire minimum, il doit être aux alentours de 1100 net, je crois. Ok. 1100 euros net. Un peu comme chez nous. Et les gens disent, mais c'est quoi ces 2% d'augmentation ? Et nous, on sait que de toute façon, l'État ne peut pas augmenter de 2% sans gréver les comptes. Voilà. Donc à un moment, on est dans une affaire de fou. C'est-à-dire que personne ne veut comprendre. Mm-hmm. Voilà. Je crois que, en gros, la France aujourd'hui, c'est un couple qui gagne... Je crois que le chiffre, c'est ça. Je crois que, la France, c'est un couple qui gagne à eux de 2500 euros par mois, qui en dépense 4009 par mois, et qui doit déjà 1,5 million d'euros à la banque. Là, si tu veux, il n'y a pas un seul banquier sur Terre qui autoriserait un mois cette situation, et nous, on continue en disant c'est super cool. Donc moi, j'ai juste peur que ça finisse très mal, parce qu'à un moment, je pense qu'il y a des gens qui vont dire... L'argent, c'est quoi ? Alors, soit on a une réponse à la Hitler ou à la Staline, c'est de dire, nous, on a des tanks et des bombes atomiques, donc vous allez vous faire foutre, et l'argent, voilà. Soit on reste une démocratie et une république, et il faut rembourser. Donc, on rembourse comment ? Et là, je suis assez... Bien sûr, sauf qu'augmenter les taxes, si c'est avec les gens qui nous gouvernent depuis 40 ans, tu vois, c'est... Il y a un moment, c'est... Faut peut-être avoir des idées, quoi. Ouais. Enfin, moi mon boulot si tu veux c'est de chanter, d'écrire des chansons et de dire you vous êtes des méchants et vous avez intérêt à trouver des idées. Moi c'est pas mon boulot de trouver des idées. Mais en tout cas pas pour ça. Il y a un moment tu vois c'est la France c'est quand même un pays où tu regardes des petites communautés monter, prendre du pouvoir et dire tout ça ça va péter un jour les gars, mais c'est un truc de fou quoi. Alors qu'il y a on vit ensemble avec des communautés si on veut. Enfin, le mieux, c'est quand même d'intégrer les gens des petites communautés à la grande communauté. Bah, si tu viens chez nous, si tu viens ici à Paris, prends ce que l'on est, vis avec nous, mais ne fais... On est très fort aussi sur les ghettos. Bien sûr. Et c'est très mauvais, le ghetto. Et il y a un moment, on fabrique quand même des millions de malheureux. On leur fait des promesses en disant « Venez chez nous, vous allez voir, on va s'arranger. » En fait, on s'arrange jamais de rien et on fait des malheureux. Aux États-Unis, c'est l'American Dream. Viens chez nous, puis c'est beaucoup mieux. Puis le cinéma en témoigne avec leur faux semblant. La musique en témoigne. Bien sûr. Dans le fond, on est dans la même merde. Tu vois, soit partout sur la planète. Il y a des endroits un peu plus difficiles. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais il y a un moment où... Voilà, j'ai pas l'impression qu'on soit... Alors j'ai vraiment envie d'y croire, envie de me dire voilà... Elle écoute France Musique, elle croise les bras. Même pas prise de panique face aux dégâts. Pas fermer l'œil, la bouche, l'écran plasma. Rien rangé, rien, elle n'a appelé que toi. Claquer tout court, claquer la porte en bois. Et l'escalier 4 à 4 pas à pas. Sur le trottoir délavé, t'attends déjà les warnings comme un cœur qui bat. Et au taxi driver, enfin tout droit. Sauf au Madrid, Bangkok, tout mais pas là. Et au taxi driver, enfin tout droit. N'oublie pas, dans ton rétroviseur, aime-la. Du ciel sur les chromes, la pluie l'accompagne. Monotone sèche les larmes à la radio comme un faux Sinatra. Mais dans la fenêtre la vue ne bouge pas. cœur, ça tournait déjà. Et au taxi driver, va tout droit. Sur Madrid, Bangkok, tout n'est pas là. Et au taxi driver, va tout droit. N'oublie pas dans ton rétroviseur, aime-la. Et au taxi driver. Et au taxi driver, va tout droit. Et au taxi driver. Durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69. Et son Gainsborough vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69, année érotique. 69, année érotique. Et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69, année érotique. 69. So far away. So far away. Oh, That's where my heart is a turning. That's where the old folks stay. So far, I'm far from my folks back home. got nothing to waste. Français vont se, enfin, on va, tu vois, on va se remuer, on va se bouger, on va trouver des bonnes idées, on va inventer des trucs géniaux que la terre entière va nous acheter, des vrais sabres laser, oui, des vrais trucs, tu vois, où tous les mômes vont les, j'en sais rien, tu vois, trouver des solutions pour faire rentrer un peu de blé, équilibrer tout ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu mal barré quand même. Est-ce que tu voyages beaucoup? Non, j'ai beaucoup voyagé, je voyage plus, si vous rien de caché, je suis pas très rassuré en avion. Ok. Comme tous les grands imbéciles. Ben, Brigitte Fontaine ne viendra jamais au Québec à cause de ça. Francis Cabrel. Francis Cabrel vient avec ses bouteilles de vin, donc je crois que ça peut l'aider. Ben oui, au Québec, il passe régulièrement. Ah, je croyais qu'il ne prenait pas du tout. Une tournée aux 2 ans au Québec. D'accord. Avec son vin. D'accord. Ah, je croyais qu'il ne venait pas du tout. Mais tu devrais partir ta propre compagnie de vin et puis comme ça, embarquer ça. Comme Charlebois, faire ma bière. Ouais, non, mais c'est fini, c'est plus vrai. Là. C'est pas vrai. Non, ouais, ça fait 7 ans qu'il a vendu ça aux Anglais du Canada. Il a fait fortune, j'espère. Fortune, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en boire. Donc, c'était quoi, de la mort subite, c'est ça? Ah, il y avait la maudite, il y avait tout ce qui avait attrait à la religion. Donc, la fin du monde aussi, excellent, fin du monde, 9 degrés. Une bière à 9 degrés, c'est vraiment la fin du monde à la fin de la bouteille. 750 millilitres. D'accord. Donc, tu commençais à avoir l'holocauste au fond de la bouteille. Et puis ça, c'est une des rares bières, comme le vin, qui vieillit. D'accord. Alors, tu attends, maximum 10 ans, et là, elle n'est plus à 9%, mais 12-13, et c'est incroyable. En bouche, c'est froide, là, c'est une bonne bière. Mais depuis que Robert Chabot l'a vendu, mais il a vendu tous les droits et tout le savoir-faire de sa bière. D'accord. Donc, elle a le même goût, mais comme ça ne va plus dans le coffre d'un Québécois, j'abandonne. Comme beaucoup de Québécois, on a changé notre fusil d'épaule. Mais ça, il faut être c'est des pauvres convictions parce que ça ne sera pas grand-chose. Hein. Mais les miennes, au moins, ça... il y a d'autres bières sur la planète. Hein. Il y a la bière belge. Et, voilà. Et même, il y a de la bière québécoise, des microbrasseries québécoises. Assez... Mais quand tu viendras, là, tu boiras quelques bières avant de partir. À 9 degrés avant de prendre l'avion, ça, ben comme, oui, ça, comme ça, j'aurais pas peur. Mais fais pas comme Gérard Depardieu. Hein. Ah non. OK. Non. OK. Pauvre Gérard. Ben, pauvre lui, pauvre diable. Parce que, oui, c'est ça. Ce que je voulais te dire, c'est que es-tu quelqu'un qui croit à la langue française? Bah oui. Enfin, moi, j'avoue, je suis un peu bête là-dessus. C'est-à-dire, je crois à toutes les langues, en fait. Donc, Non, mais ici, à Paris. On est à Paris, donc le berceau de... Bah ouais, ouais, la chanson. Pour la chanson française. Pas juste la chanson française, du français. Mais je crois en ma langue. Je crois qu'elle va... Je crois qu'elle va... Qu'elle dérive. Ça, il y a... Tu sais, vous parlez d'un email, nous, c'est courriel. Ouais. La balado-diffusion, ici, c'est podcast. D'accord. La balado-diffusion. Ouais, ça vient de chez nous, c'est québécois. D'accord. Et France Inter ne le dit pas. J'ai parlé avec un animateur de France Inter vendredi en arrivant. C'est trop long. D'accord. Le mot est trop long. Balado-diffusion. Podcast, c'est plus facile. Email, c'est plus facile que courriel.